Bonjour et bienvenue à une autre édition de CNX.zip, l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans l'assemblage RUC. Cette semaine, on compresse les chroniques de la semaine du 23 janvier 2012. Parmi nos sujets, la suite de l'affaire Mega Upload, Apple veut révolutionner le monde de l'éducation, Internet agirait comme une drogue chez ses usagers, parler trop longtemps au téléphone nuit à votre corps, et le fondateur de Wikileaks animera une émission de télévision. Tout ça accompagné du tour du net, des nouveaux temps magasins et de musique chiptune. On débute tout de suite, voici la chronique de lundi. Lundi. Et on récapitule, oui, c'est bien ça le mot? Ouais, récapitulons. Oui, les nouvelles depuis jeudi matin passé, donc il se passe quand même pas mal de choses en informatique, technologie, jeux vidéo, etc. Commençons par la grosse nouvelle du moment, c'est Mega Upload. T'as peut-être pas entendu parler du dossier étant donné tes vacances? Non. Non, ben... il est fermé. C'est ça, Mega ouais. Upload est fermé. Donc on va faire un petit genre de récapitulatif de ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Ça, c'est très plate. Moi, j'adore ça. Mais il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres. Il y en a d'autres pour l'instant. Mais Mega Upload fonctionnait très bien. C'était un des très, très populaires. Donc, l'affaire Mega Upload qui aura fait trembler tout l'Internet la semaine passée. On va lire le récapitulatif de branchezvous.com. Donc, des faits pour vous assurer de ne rien avoir manqué du dossier. On rappelle qu'en novembre, la RIAA, qui est l'industrie du disque aux États-Unis, la Recording Industry Association of America, qui représente les grandes compagnies dans le domaine de la musique aux États-Unis, a mis sur pied une liste noire des sites pirates qu'elle souhaitait voir disparaître à jamais. Et bien, le site Mega Upload y apparaissait. Ensuite, en décembre, on en a parlé ici de la chanson « Chantons pour Mega Upload ». Donc, quelques semaines plus tard, différents artistes prenaient la défense du site en créant un Mega Upload Mega Song qui a été lancé sur YouTube. La Universal avait rapidement réagi, demandant au site hôte d'interdire l'accès à la chanson, arguant qu'elle violait ses droits d'auteur puisque certains artistes qu'elle produit y figuraient. Mega Upload avait ensuite déposé une plainte officielle auprès de la Cour fédérale de Californie du Nord. Mega Upload reprochait à Universal Music Group d'avoir censuré de manière abusive son clip vidéo dans lequel plusieurs dizaines d'artistes annoncent soutenir et utiliser Mega Upload. En janvier, plus récemment, le FBI fermait MegaUpload.com. Au lendemain de la protestation Internet contre les projets de loi SOPA et PIPA, le FBI a procédé à la fermeture du célèbre site de téléchargement MegaUpload.com et ses compagnies affiliées. Ensuite, coup de théâtre, la nation web se rebiffe. Moins d'une quinzaine de minutes après avoir vu les autorités américaines fermer Mega Upload, Anonymous lançait une attaque concertée contre des cibles bien choisies. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Et puis finalement, le FBI ne se laisse pas intimider et dépose ses preuves tentant à démontrer que le site Mega Upload serait une vaste entreprise de blanchiment d'argent. Bon. Oui, ben parlons-en de ça. Suite à la fermeture de MegaUpload.com, le FBI a procédé à l'arrestation des inculpés et déposé les preuves de la cause. Le FBI s'est appuyé sur plusieurs lois afin de faire fermer MegaUpload. La législation qui interdit le téléchargement illégal, bien sûr, mais également la loi RICO, qui est le Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, une loi contre le crime organisé. Les enquêteurs parlent de la conspiration Mega et tentent de démontrer que MegaUpload avait monté une vaste entreprise de contrefaçon et de blanchiment d'argent, copiant ainsi la structure de la mafia. La preuve s'appuie, entre autres, sur de nombreux échanges de courriels entre les dirigeants de la compagnie et sur le train de vie de Kim.com, qui est le fondateur et directeur de Mega Upload, qui, et je cite, « cultive un certain goût pour le luxe, digne des grandes fortunes de la mafia. » Donc, on sait que tu as de l'argent, tu es de la mafia. C'est ça que ça veut dire? Donc, Dotcom s'était réfugié lors de son arrestation dans une pièce sécurisée de sa luxueuse maison en Nouvelle-Zélande. Rappelons que dans les heures suivant la fermeture du site d'hébergement, le groupe de pirates informatiques Anonymous s'est attaqué à plusieurs sites gouvernementaux ou de l'industrie du disque. L'inaccessibilité au site du FBI, du ministère américain de la Justice, de la maison disque Universal, de Warner et de l'association professionnelle du disque RIAA a été revendiquée par le groupe qui se présente comme un défenseur des libertés sur Internet. Anonymous a également lancé un appel à la mobilisation. Je cite, « S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec tout le monde. Nous devons nous unir contre cette folie et l'arrêter. » C'est ce qu'on peut lire sur leur page YouTube. La réponse sur les réseaux sociaux a été presque instantanée. Le mot-clé « Mega Upload » s'est rapidement classé en tête des « Trending Topics », les sujets les plus discutés sur Twitter. Des mots-clés ont été créés afin de suivre le mouvement qui est « Dièse OP Mega Upload ». Certains parlent même de « Guerre mondiale du web », le « World War Web ». Wow! Wow là, hein? Woman! On se calme! Parlons d'Apple maintenant qui veut révolutionner le monde de l'éducation. C'est lors d'un événement au musée Guggenheim à New York qu'Apple a tenu sa conférence de presse annonçant ses nouveaux produits reliés au monde de l'éducation et de la publication de manuels électroniques. C'est lors de l'événement au musée Guggenheim qu'Apple a tenu sa conférence de presse annonçant ses nouveaux produits. Est-ce que deux fois le même paragraphe? Je crois que oui. La compagnie offre donc un nouveau service permettant aux étudiants de télécharger plusieurs publications scolaires sur leur nouvelle version du iBook. Cette version offrira plusieurs livres interactifs, permettra de créer des jeux questionnaires interactifs, prendre prendre des notes et interagir avec des diagrammes, des images, des tableaux, et ce, directement sur votre tablette. C'est vraiment intéressant. Si tu veux voir des vidéos sur Internet, il y en a plein. Mais c'est que tu pourrais avoir dans ton livre scolaire, disons, une photo. Tu cliques sur la photo. Oups, c'est un professeur qui te parle en vidéo. Oups, t'as un diagramme, tu peux le manipuler, tu peux changer les chiffres dedans, tu peux virer les affaires de bord. Donc, c'est comme un livre, mais full hot. Hein? Apple qui a mis sur pied le iBook Author, qui est un outil gratuit qui permettra aux développeurs de créer des manuels interactifs. Et bien sûr, pour Apple, ce sera un excellent moyen de vendre plus de iPad aux étudiants et aux écoles. Ben, c'est ce que ça nous amène à dire, hein, parce que, je veux dire, à un moment donné, si les écoles forcent les étudiants à utiliser le iPad comme manuel scolaire, éventuellement, ben, un peu comme les écoles, il faut un portable... Commence à être cher, ces affaires-là. Un petit peu cher, là. Donc voilà, si vous voulez lire le reste de l'article et ce que Apple offre, c'est sur assemblagerequis.com. Une première coque auto-cicatrisante pour quoi? iPhone. Auto-cicatrisante. Mais une quoi? Une première? Une coque, genre de... pas un coque, une coque. Non, mais je sais pas. D'accord, C-O-Q-U-E. Hein? Donc, c'est Nissan qui vient d'annoncer la sortie prochaine d'une coque pour iPhone employant une technologie créée pour l'industrie automobile. La coque Nissan Scratch Shield iPhone sera le premier produit en dehors du secteur automobile recouvert d'une peinture auto-cicatrisante pour réduire les rayures, comme sur plusieurs modèles de véhicules des marques Nissan et Infiniti. Le constructeur automobile déclare que sa peinture peut soigner les petites rayures en une heure ou plus grâce à sa structure chimique qui réagit au changement pour redonner à la peinture son aspect original et en colmatant les brèches. C'est la même technologie qu'on retrouve sur la Nissan Murano, la 370Z et la X-Trail, ainsi que plusieurs modèles d'Infiniti. Si la rayure est plus large, le temps de cicatrisation peut atteindre une semaine, d'après Nissan. La coque d'iPhone est fabriquée en plastique ABS, un matériau solide également employé dans l'industrie automobile, mais on a compris. Hein. Les premiers exemplaires de ces coques sont destinés à une sélection de clients et de journalistes, d'après l'annonce de Nissan datée du 16 janvier. Si l'évaluation est concluante, le constructeur envisagera de les commercialiser avant la fin de l'année, mais pour l'instant, on n'a pas le prix, on peut s'imaginer au moins le double ou le triple d'une coque normale. Les téléphones qui se réparent tout seuls devraient finir par se banaliser d'après les observateurs. Le concept Morph annonce un futur où les nanotechnologies permettront aux appareils de s'auto-nettoyer et de s'auto-entretenir. C'est bon, génial. Regarde ça, il sort son iPhone puis il est tout sale, j'imagine. Là, c'est tout plein de graphines. Non, il est pas spé. Dans ta poche en arrière, ça? Non, sur le côté. C'est ça, sur le côté. Ouais. En arrière, on s'entend. T'as si dessus? Quoi que toi, je suis pas sur le cas. T'es toute frêle. Bon. Donc, Walmart lance... T'es fragile. C'est parti au vent. Walmart lance le Star Academy des tablettes, François. Avec un concours qui s'appelle Get on the Shelf, qui a été lancé récemment. La division At Walmart Labs sur Twitter, At Walmart Labs, branchée sur les réseaux sociaux, veut sonder l'opinion des internautes sur les prochains produits qui convoitent un espace sur ses étalages. Le concours n'est offert qu'aux participants des États-Unis, mais ça se pourrait très bien que l'approche marketing s'étende ailleurs, éventuellement. Les participants peuvent s'inscrire pendant le prochain mois et les gagnants seront connus à la fin d'avril. Le candidat intéressé prépare un court document vidéo et l'upload, le téléverse sur le site du concours. La vidéo est alors approuvée et affichée pour être ensuite jugée par le public. Walmart promet même aux candidats sans ressources de les référer à des partenaires si leur produit est accepté, assurant une disponibilité à grande échelle sur le gigantesque réseau. Pour les petits fournisseurs, cette opportunité d'approcher le plus grand détaillant au monde est une occasion unique, nous dit-on. Les lauréats verront leurs produits offerts autant en ligne qu'en magasin. Le crowdsourcing, l'externalisation ouverte, on appelle ça en français l'externalisation ouverte. C'est pas une nouvelle, ça, en soi, puisque tous les détaillants qui se sont dotés d'une stratégie en ligne incluant les réseaux sociaux recueillent les commentaires et opinions de la population, mais la nouveauté est peut-être plus dans l'approche d'un concours organisé avec présentation vidéo, vote du public, deux vagues d'élimination et dévoilement en grande pompe des gagnants. Donc, c'est un peu comme les émissions d'invention qu'il y a à la télé, là, des fois, c'est où tu peux présenter une invention, Dragon's Den. Dans l'œil du dragon, ça, qui s'en vient à Radio-Canada. Bon, c'est une copie d'une émission d'un autre pays. Je sais pas, par exemple, ça va être qui des. Les juges, hein? Ouais, les dragons. C'est des riches, donc des gens qui ont beaucoup d'argent. Qui a beaucoup d'argent au Québec? Assez pour financer des inventions. Je sais pas, René Angelé, on sait qu'il est allergique à Radio-Canada. Oui, donc, oui, c'est ça, vraiment son proche là, depuis toujours. Là. Chose de Pierre-Carl Pelado, sûrement à Radio-Canada. Hey, je sais pas. En même temps, ça me surprend que justement, lui, il n'avait pas repris concept. Déjà, hein? Ben, je sais pas. C'est pas une émission très bien cotée à CBC ni aux États-Unis. C'est pas quelque chose qui fait des grosses. Moi, je l'écoute. Ouais, Dragon's Den. Ouais, moi, j'aime ça. J'adore ça. C'est bon, c'est super. Bon, pour vrai, c'est bon. Ça s'en là. Ouais, mais c'est ça. C'est pas une émission à grosse cote d'écoute. Là. C'est juste un bon concept et quelque chose d'intelligent. Mais c'est pas obligé d'avoir des cotes d'écoute pour être bon. On sait ça. Non. Mais c'est pour ça que TVA pas sauté dessus. Internet qui agirait comme une drogue chez ses usagers. Es-tu surpris, toi, qui as encore ton téléphone dans ta main, là? Selon une étude chinoise rendue publique la semaine dernière, les cerveaux des accros à Internet pourraient subir des modifications chimiques proches de celles des alcooliques et des drogués. Selon un article publié dans la revue Plus One, les chercheurs à l'origine de cette étude ont scanné les cerveaux de 35 garçons et filles âgés de 14 à 21 ans, oui, dont à peu près la moitié étaient diagnostiqués comme souffrant d'une addiction à Internet. Des scientifiques de diverses universités et instituts de recherche chinois ont trouvé des connexions anormales entre fibres nerveuses dans la matière blanche des cerveaux des accros à Internet, un phénomène similaire à celui observé dans les cerveaux d'individus souffrant d'alcoolisme et autres troubles de la volonté comme la dépendance. Est-ce que t'en fais partie? Des téléphones cellulaires, non. Non, mais de... Internet, de... Internet, oui. Ouais. Oh, ouais, c'est clair. Mais je pourrais pas m'en passer. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est... Mais la vie, là-dessus. Non, mais c'est ça. C'est très dur. Tu vas travailler, tu t'en sers. Ouais. Tu vas à l'école, tu t'en sers. Ouais. Mais il y a une différence entre être accro et... Ouais, ouais, et t'en servir. Mais, tu sais, accro, tu dors plus, tu manges pas. Ouais, c'est ça. Tes relations. Contrairement à l'alcool, où facilement, tu peux passer à côté. Hein. Tu veux dire, l'alcool, tu peux facilement passer à côté. Je sais pas si tu serais d'accord avec ça, les alcooliques. Non, mais tu sais, en fait, faut que tu te déplaces, faut que tu l'achètes. Ouais, c'est ça. Si t'en as pas, t'en as pas. Non, c'est ça, exactement. Et tu sais... Ouais. Donc, professeur de psychiatrie biologique à l'Institut de psychiatrie de King's College à Londres a déclaré que des observations similaires avaient été faites sur les cerveaux des personnes dépendantes aux jeux vidéo aussi. Les implications de cette découverte pour l'avenir restent à éclaircir, car après des années de controverses, les scientifiques ne sont toujours pas unanimes à considérer que les addictions technologiques peuvent être classées parmi les maladies mentales. Néanmoins, pour ceux d'entre eux qui le pensent, cette étude pourrait apporter de nouveaux éclairages. Voilà. J'ai posté quelques petits articles sur Internet que moi je trouve intéressants, mais qui sont un petit peu longs à lire, sur les chiffres de l'Internet en 2011. On parle du nombre de gens qui sont sur Internet en ce moment. On parle de 200 millions comptes Facebook qui ont été ouverts en 2011. Ils sont rendus à 800 millions de comptes. Twitter est aujourd'hui à 225 millions. Et puis 250 millions de tweets quotidiens. Bref, allez voir, il y a plein de chiffres intéressants sur Internet. Il y a 2,1 milliards d'internautes sur Internet en ce moment. C'est beaucoup. Selon ça. Il va y avoir une exposition sur les jeux vidéo à Washington. Le musée Smithsonian American Art de Washington a annoncé les détails de sa première exposition majeure explorant l'art et l'évolution des jeux vidéo. L'exposition inusitée ouvrira le 16 mars. The Art of Video Games s'attardera à l'esthétique, la technologie et les scénarios de certains des meilleurs jeux sur une étendue de consoles allant de l'Atari au PlayStation 3. Elle inclura 80 jeux vidéo sélectionnés avec l'aide du public ayant voté en ligne l'année passée. Le musée a annoncé que l'exposition serait aussi présentée dans plusieurs villes des États-Unis, dont Seattle, New York et un paquet d'autres. Est-ce que ça vient au Canada? Pas pour l'instant. L'ancien évangéliste et directeur principal des jeux pour Sun Microsystems, Chris Melissino, c'est le curateur invité pour l'exposition. Donc non, pour vrai, ça commence à être une forme d'art, considérée comme une forme d'art, enfin, les jeux vidéo. Je veux dire, c'est quoi la différence entre une équipe qui travaille sur un jeu vidéo et une équipe qui travaille sur un film? Les films, c'est déjà de l'art depuis longtemps. Les jeux vidéo peuvent l'être aussi. Et on termine avec les nouveautés en magasin cette semaine. Donc, une courte liste quand même sur PC, Dust Force, qui sortait de Hitbox Team. Storm in a Teacup de Cobra Mobile et Chillingo, c'est un petit jeu là, plus relax, chill. Et Unstoppable Gorg de Future Mark. Moi non plus. Sur Xbox, il y a deux jeux sur le Xbox Live Arcade. Encore une fois, des jeux plus indépendants. Hunt. Ce qu'on peut télécharger. Là. C'est exactement ça. Et Scary Girl sur PlayStation 3. Celui-là, on le connaît peut-être un petit peu plus. Gran Turismo 5 XL Edition. Non, ouais. Oui, de Sony, ça sort. Sur le PlayStation Network, encore une fois, en ligne, Amy et Zach Zero. D'accord. Amy, c'est quoi? J'ai aucune idée, mais ça vaudrait la peine d'essayer ces petits jeux indépendants une fois de temps en temps. Le site, c'est amy-thegame.com. Et là, il faut entrer sa date de naissance et ça ne me tente pas. Mais ça a l'air épeurant. Sur Nintendo WiiWare, encore une fois en ligne, Stonekeep Bones of the Ancestors. Et sur Nintendo DSiWare, qui est encore une fois la version en ligne de la DSi, Anne's Doll Studio, une affaire pour faire des poupées, mais Gothic Collection. Okay. Une affaire à faire des poupées, wow, c'est super. Et Gaia's Moon de Enjoy Up Games. En passant, si vous allez sur assemblagerequis.com, vous pouvez facilement cliquer sur chacun des liens pour aller vers le site officiel de chaque jeu et aller voir la bande-annonce ou télécharger le jeu sur le App Store. Parce qu'il y a des jeux qui sortent sur des consoles, mais aussi sur les appareils Apple. Donc, assemblagerequis.com, cliquez sur le lien Quoi de neuf. Voilà, et ça, c'est grâce à jouer.com. Et on termine avec la musique chiptune. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Je crois que la semaine passée, on a fait jouer une pièce de chiptune. Ça va pas mal être la même chose cette semaine, vraiment. OK. Alors, on va entendre une pièce de VCMG. Ça s'appelle Victory Flower Fields. Et on écoute ça à l'instant dans CNX sur C'est Fou 89.1 FM. CNXPodcast.com. Après la pause, les chroniques de mardi et mercredi à CNX.zip. Vous êtes toujours à CNX.zip, l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans Assemblage Requis. Vous pouvez trouver les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. On continue avec la chronique de mardi. Mardi. C'est pas la journée où s'est passé le plus de choses le mardi d'habitude, donc on va pouvoir y aller assez rapidement et après ça faire un petit tour du net. OK. Donc, commençons avec Facebook qui pourrait être la prochaine cible d'Anonymous. On en a parlé hier un petit peu, l'affaire de Sopa et Pipa. Anonymous qui se révolte contre ces lois qui pourraient changer l'Internet et fermer les sites. Donc, n'est-ce encore qu'un canular, où les dirigeants de Facebook doivent-ils réellement se préparer au pire? Une vidéo a été versée sur YouTube hier dans laquelle la voix robotisée associée à Anonymous appelle tous les citoyens à télécharger le logiciel Low Orbit Ion Cannon, LOIC, grâce auquel ils pourraient participer à l'attaque sur le populaire réseau social le 28 janvier prochain, le 28 janvier étant bien évidemment samedi. Oh, okay. Il s'agirait, ouais, ben, c'est ça, ça pourrait. En plus, c'est la fin de semaine, hein, c'est là que les gens vont le plus sur Facebook. Hein. Ça, et toute la journée au travail. Et le soir. Tout est. Il s'agirait de la suite de l'opération OP Global Blackout qui aurait commencé avec l'attaque des sites de Warner, du FBI et de CBS. Le but de cette opération est de protester contre les projets de loi SOPA et PIPA ainsi que toute tentative de restreindre les droits sur Internet. Sans indiquer pourquoi Facebook est spécifiquement visé, la voix d'Anonymous Voice 777, le compte YouTube à l'origine du message, demande aux internautes qui comprennent et approuvent les agissements d'Anonymous de se coordonner pour lancer leur attaque le 28 janvier à minuit. Une vidéo qui explique en détail la procédure. Bien que Facebook détienne 60 000 serveurs, la vidéo atteste qu'il sera possible au plus grand nombre de faire fermer le site. La voix assure qu'il n'y a aucun risque de se faire prendre puisqu'ils ne seront jamais en mesure d'arrêter un si grand groupe. Bien que certains croient que le compte d'Anonymous Voice 777 ne soit pas en lien avec le groupe original, le site CNET indique que le compte semble avoir des connexions avec le groupe pirate. Le 5 novembre dernier, une menace avait aussi été lancée à l'endroit de Facebook mais n'avait jamais lieu. On se rappelle de ça? On s'est tous dit ça va être la fin du monde? Ouais. Et ça n'a pas lieu. Mise à jour de Facebook, François, Facebook a répondu à ça. OK. Je cite, « Nous nous préparons à Anonymous comme nous nous préparons à toute autre forme d'attaque en tout temps. Dû à notre taille, nous faisons face aux mêmes menaces qui peuvent être vues partout ailleurs sur le web, mais nous avons développé des partenariats, des systèmes dorsaux de traitement, ça c'est des back-end systems, et des protocoles afin de répondre à tous les types de défis de sécurité que nous rencontrerons. On verra. Si ça arrive, pas sûr que Facebook ait vécu ce genre de situation-là avant. Je sais pas si tu peux vraiment faker ça. » Pour te protéger. Je sais pas. On verra. Dans le même genre de domaine, revenons sur le sujet de Mega Upload dont on parlait hier. Kim.com, le propriétaire, le fondateur, passe son 38e anniversaire en prison. Le fondateur et directeur de Mega Upload, Kim.com, qui a célébré son 38e anniversaire le 21 janvier, est toujours en prison. Arrêté vendredi suite à la fermeture de Mega Upload par le FBI, son fondateur et trois co-accusés étaient devant la justice de la Nouvelle-Zélande lundi matin pour demander leur libération sous caution. La demande a été prise en délibéré et le juge rendra sa réponse d'ici demain, mercredi. L'avocat de Dotcom, Paul Davison, a plaidé que son client n'entendait pas fuir le pays et souhaitait rester aux côtés de sa femme enceinte. Je cite, « De toute façon, il ne peut reprendre ses activités car tous les serveurs informatiques de sa société ont été fermés. » La procureure estime que le risque de fuite de l'accusé est extrême, rappelant qu'il a déjà fui en Thaïlande alors qu'il était recherché par les autorités allemandes dans une autre affaire. Depuis, la police aurait trouvé au domicile de Dotcom des passeports sous trois noms différents et plus d'une trentaine de cartes de crédit à diverses identités. Quand même, hein? Les policiers arrivés en hélicoptère, ça ressemblait à Hollywood. Là. On dit que ça ressemblait vraiment à un film, la scène. Les policiers arrivés en hélicoptère ont dû couper le système d'alarme de la plus grande demeure de la Nouvelle-Zélande avant d'arrêter Dotcom en possession d'une arme personnelle barricadée dans une pièce sécurisée de son gros château. OK. Les autorités ont saisi 50 millions de dollars de multiples œuvres d'art et de nombreuses voitures luxueuses, possédant des immatriculations plus rocambolesques les unes que les autres. God, Mafia, Stoned, CEO, Good and Evil, Hacker et Kim.com. Il y a des photos si vous voulez aller voir sur assemblagerequis.com. Okay. Dotcom n'a jamais caché son goût de richesse. Hein. C'est un gars de bling-bling. Il aime la fête, la vie trépignante. Dans les dernières années, il a téléchargé sur Internet de nombreuses vidéos de sa vie de star. Le New Zealand Herald rapporte d'ailleurs qu'il aurait investi plus de 10 millions de dollars dans son manoir, entre autres pour y installer une piscine d'eau minérale importée. Oh. Une piscine de Perrier! Ouais. C'est bien pratique. Ben oui, on rêve tous de ça. Plusieurs groupes Facebook en différentes langues ont été créés afin de soutenir Dotcom. C'est sûr que les gens veulent juste soutenir la liberté de tout faire, peu importe ce que c'est, et peu importe qui veut le faire, que ce soit un gars bizarre, ou peu importe qui. Donc voilà, il a bien des fans. thekim.com. Maintenant, parlons d'avancées technologiques un petit peu à la place de choses illégales. Avec le Cell Control, la compagnie Skosh propose aux conducteurs les moins disciplinés avec leur téléphone mobile une solution de blocage automatique qui empêche d'utiliser le réseau lorsqu'ils sont au volant. Une démarche qui, si elle peut éviter amende et accidents, reste néanmoins volontaire. Le système Cell Control prend place dans un petit boîtier et utilise la connexion Bluetooth pour bloquer les appels entrants et sortants, ainsi que l'envoi et la réception de messages et l'accès à Internet. L'objectif est d'éviter de tenter l'automobiliste alors qu'il conduit. Une fois configuré, le système se déclenche automatiquement une fois que le véhicule est en mouvement. Il nécessite une configuration en ligne ainsi que l'installation d'une application sur le téléphone. Skosh annonce une compatibilité avec 1200 terminaux sous Android, BlackBerry, Windows Mobile 5 et 6 ou encore Symbian. À noter que les appels peuvent être activés si l'application détecte la présence d'un kit main libre connecté au mobile. Donc l'appareil sera commercialisé prochainement aux États-Unis au prix de 130$ en attendant son éventuelle arrivée dans le reste du monde. Mais si c'est volontaire et que tu dois toi-même aller acheter le gadget à 130$ pour t'empêcher d'aller téléphoner, c'est ça, là. Traîne-le pas ton téléphone ou ferme-le, ou mets-le en mode avion. Non, je suis d'accord avec toi. Là. 130$. En tout cas. Mais en même temps, si ça pouvait, moi, je me disais si ça pouvait être quelque chose, mettons comme l'antidémarreur où il faut que tu souffles dedans là, pour les voitures de gens qui ont permis leur perdu. Permis leur perdu. Non, tu comprends ce que je veux dire. Qui ont perdu leur permis. Perdu leur permis. non, ça pourrait être quelque chose que la police pourrait utiliser, ou en tout cas les instances. Décisionnel. Voilà. Toujours en avancée technologique, les vitres de voitures interactives de GM. General Motors a dévoilé les résultats d'un nouveau projet de recherche sur l'avenir du divertissement à l'intérieur des voitures. Ceux-ci suggèrent qu'être passager sera un jour bien plus amusant qu'être un conducteur. Oh ouais. Ouais. Conduit en partenariat avec la Bezalel Academy of Art and Design en Israël, le projet a vu des chercheurs créer des prototypes de vitres interactives utilisant des fenêtres perfectionnées qui ont une surface tactile capable d'afficher des graphismes. C'est cool, ça. C'est génial. Toutes sortes d'applications destinées à être utilisées par les passagers durant de longs trajets ont été créées pour ces vitres spéciales. L'application Auto, par exemple, affiche un personnage animé qui survole le paysage à la fenêtre afin de distraire les enfants et de donner des informations sur la météo et le panorama, tandis que l'application Foufou permet aux enfants de dessiner de façon tactile. J'adore ça. Foufou. Foufou. C'est foufou. Ah. Mais l'une des possibilités les plus fascinantes est sans doute Spindo, nous dit cet article de Canway.ca. Une application qui autorise les utilisateurs à jeter un œil à la fenêtre d'autres utilisateurs. OK, donc ce serait comme un jeu où plusieurs personnes dans différentes voitures auraient ce jeu-là, ce qui n'arrivera pas avant un maudit bout. Non. Même si General Motors reconnaît qu'il n'y a pas de projet immédiat pour installer des vitres interactives dans ses voitures de série, ces recherches en font le deuxième constructeur en moins d'un an à exposer les résultats d'une étude sur les fenêtres interactives, ce qui peut signifier que cette technologie n'est peut-être pas pour dans si longtemps. C'est sûr que ça va mal, par contre, sur le côté, tu sais. Ouais. D'habitude, tu sais, mettons, tu regardes un DVD, c'est par en avant, ça va. Sur le côté, ça fait mal à la tête. L'été dernier, Toyota avait dévoilé une collaboration entre l'Institute of Interaction Design de Copenhague qui a permis d'utiliser la réalité augmentée sur les fenêtres de voitures pour divertir et informer les enfants. Et puis la voiture concept Fenêtre sur le monde est ainsi capable de traduire des panneaux en temps réel et de dire aux passagers à quelle distance la voiture se trouve de certains points. Ça, c'est vraiment parfait, ça. Imagine, tu sais, si ça pouvait être fait sur la fenêtre principale de la voiture devant le conducteur avec des... un peu comme dans les jeux vidéo, avec ta vitesse sur l'écran, puis... Mais ça se fait déjà. En fait, ils projettent comme ta vitesse sur le bas de ta fenêtre, dans les véhicules haut de gamme. Luxe, ouais. C'est ça, ça se fait déjà à ce niveau-là, là, mais... Imagine, mettons, t'intègres un GPS là-dedans, tu peux avoir la distance vers le restaurant, où tourner, tout et tout. Ah non, c'est sûr que... Ça sent bien, ça sent bien. C'est génial. Parler au téléphone longtemps nuit à votre corps. Les mobinautes, hein, ça c'est les utilisateurs d'appareils mobiles là, qui passent trop de temps à la tête penchée sur leur téléphone, mettent en péril leur cervicale et la santé des muscles de leur cou et du haut du dos, mais d'après un avertissement du chirurgien orthopédique de la St. Luke's Roosevelt Hospital. Nous mettons à rude épreuve nos muscles du cou, du haut du dos et des épaules pour tenir la pose, précise le docteur Barron, et on passe tellement de temps dans cette position. On dit que la tête pèse en moyenne entre 4,5 et 5,5 kilos et le cou et les épaules ne sont pas faits pour soutenir son poids pendant des périodes prolongées. Chaque pouce d'inclinaison supplémentaire décuple le poids porté sur le cou. Incliner sa tête de 7,62 cm vers l'avant revient à ajouter 13,6 kg au poids porté sur les cervicales et les épaules. Une étude présentée il y a quelques années à la American Public Health Association a indiqué que les douleurs au cou et aux épaules signalées par les étudiants d'université pouvaient être dues à leurs habitudes d'utilisation de téléphones portables. Si vous êtes un inconditionnel des textos, il est conseillé de prendre souvent des pauses et d'étirer votre tête, cou et dos. Certains experts conseillent également de tenir votre téléphone plus haut pendant que vous rédigez des textos afin d'aligner votre cou avec votre colonne vertébrale. Vous avez un problème là, si vous textez aussi souvent que ça. Ouais, c'est... je suis d'accord avec toi. Tu sais, voilà, voir la personne, hein, tu sais. Ou appelle-la. Appelle-la, ben c'est ça. Appelle-la avec ton main libre. Allume ton oreillette. Bluetooth. Parlons de jeux vidéo. Il n'y a absolument rien en termes de jeux vidéo, à part des nouvelles affaires beaucoup trop spécifiques. Parlons par contre de la fin des Microsoft Points. Selon les sources de Inside Mobile Apps, Microsoft abandonnerait les Microsoft Points, qui servent actuellement de monnaie d'échange sur les plateformes comme Xbox Live. Sur Xbox 360, ce système est en place depuis le lancement de la console. Microsoft le remplacerait par le bon vieux système monétaire en dollars, un peu comme sur la PlayStation, sur même la 3DS. Maintenant, c'est de l'argent. Imagine, même Nintendo pense à de l'argent. Ça gosse, tu sais, t'achètes ça, ça te donne des points, t'en as jamais assez pour... compléter ton achat. Ouais. Sinon, il t'en reste... Il t'en reste, mais pas assez pour acheter un autre set de map, mettons. C'est n'importe quoi, Alors que sur PlayStation, c'est facile, t'as un portefeuille, et quand ton article demande plus d'argent que ce que t'as dans ton portefeuille, il te demande, voulez-vous juste compléter votre portefeuille avec exactement le montant qu'il faut? OK, ça c'est cool. Ça c'est vraiment génial. Bref, lors de la transition qui aurait lieu d'ici la fin de 2012, tous les points Microsoft dans votre compte seraient transférés en argent. Il faut donc s'attendre à ce que chaque tranche de 100 points, c'est ça qui est spécial avec Microsoft, c'est que 100 points, c'est 1,20$. Et non 1$, fait qu'en plus, c'est difficile à calculer. Ouais, je comprends pas trop l'intérêt. Et côté Sony, ça va pas bien pour la PlayStation Vita. On parlait la semaine passée des ventes de la Vita, qui est la nouvelle PlayStation portable, la nouvelle console portable de Sony, qui se vendait vraiment pas si bien que ça au Japon. Elle s'en vient aux États-Unis bientôt. Mais là, on apprend via le site Kotaku Japan que dans le fond, de cette petite enquête qu'ils ont menée, c'est pas officiel, mais quand même, il ressort qu'un acheteur sur 10 a dû faire réparer ou échanger sa console suite à un problème avec la machine. 1 sur 10? 1 sur 10, c'est plus ou moins 10%. Là. Non, c'est ça, ça fait vraiment pas longtemps. En dépit de ce chiffre, le sondage indique aussi que les joueurs sont dans l'ensemble tous satisfaits par la nouvelle console de Sony en tant que telle, une fois qu'elle fonctionne finalement. Commercialisée depuis le 17 décembre au Japon, la PS Vita arrivera le 22 février aux États-Unis et au Canada. Donc 22 février, dans un mois moins deux jours. Ouais, pour les nouvelles, allons-y avec le petit tour du net. Un peu la photo la plus populaire en ce moment, c'est la résolution d'un problème qu'on a tous. Tu sais, tu connais la chronique Sex Smith, ça devrait répondre là. Ouais. Dans ce cas-ci, c'est une canne de Pringle. Okay. Avec en dessous un bouton comme un désodorisant. Parce que le problème d'une canne de Pringle, c'est qu'il faut que tu te mettes la main dedans ou que tu tasses, tu brasses. Pourquoi ne pas mettre une petite plaquette en bas avec un bouton comme un désodorisant pour faire monter la plaquette de plastique, pour faire monter les chips en haut? Hein? Donc, ça existe? Non, mais ça pourrait. Ouais. Ça devrait. Ouais, c'est une photo, c'est un montage. C'est clairement un bas de je sais pas quelle sorte de Arm & Hammer désodorisant. Mais non, c'est une très, très bonne idée. Sinon, une adolescente qui réagit pour le nom, on va faire celui-là plus tard parce que j'ai pas encore l'extrait. 54 utilisations pour des épingles, comment t'appelles ça, des clips là, des clips de genre avec un anneau de métal au bout là, tu sais, les petits clips là, clip pour les pour les chips mettons, mais tu peux t'en servir pour plein de choses. Ouais. 54 utilisations pour ces petites pinces là de métal, donc par exemple pour retenir des fils après ton bureau, pour couvrir ton rasoir, parce que des fois tu trouves plus ton couvercle de rasoir là. Faut que tu couvres ça avec ça. Avec ça, cette affaire-là de métal. Pour organiser ta bière dans ton réfrigérateur, tu peux les pincer à travers les petites branches dans ton de métal dans ton frigidaire. Voilà. Par en haut, puis là, ben, tu peux remplir tes bières en pyramide, François, avec des affaires de même, des clips de métal. Pour empêcher des affaires de glisser, mettons dans un classeur. Mettons dans ton classeur, tu pourrais mettre ça pour empêcher les dossiers de te tasser. Pour clipper ton argent, tu mets ton argent après ça, puis tes cartes de crédit dedans. Tu peux te servir de ça pour attacher tes écouteurs. Pour pas que ça en mêle. Donc, t'en as 54 façons d'utiliser ces petites attaches-là en métal. Ça va super bien. Ouais. Sinon, je vous montrerai pas l'extrait parce qu'il y a absolument rien à entendre, mais c'est la fille qui éternue avec ses yeux ouverts. Tu sais, on dit tout le temps que tu peux pas éternuer avec les yeux ouverts. OK. Tu avais sûrement déjà entendu ce problème. Ouais. Eh bien, elle le fait et elle s'est filmée en train de le faire. Elle ne cligne pas du tout. Elle ne cligne pas du tout. Et elle fait peur en le faisant, en plus. Ouais, c'est ça. OK, là, j'ai les extraits vidéo. Tiens, on a montré pour la première fois à une jeune fille qui s'appelle Athéna, qui a 13 ans. On lui a montré un vinyle. I want to show you something. I don't know that you've actually seen one of these in real life before. Really? What is that? Ils sont sur son téléphone en train de texter, déjà, pendant que son père y parle. What is that? C'est quoi ça? It's an LP. C'est un LP. It's a record. Un disque, un album. What? It's a record. C'est how we used to listen to music. Ben, c'est ce qu'on écoutait de la musique, tu sais, hein? C'est ça. Puis regarde ça, puis elle comprend rien. This is huge. This is like 10 CDs. Ben, c'est bien trop rouge comme 10 CD. Ouais, dans quoi tu mets ça? Has, I don't know, maybe about 10-15 songs. For the whole thing, this is huge. En tout cas, c'est drôle à aller voir quand même, pas si pire. Et l'autre, par contre, celle-là, tu vas beaucoup plus l'aimer. C'est une fille qui joue de la guitare, OK? Elle joue de la guitare. OK. Elle shred, comme on appelle. Elle shred, c'est ça, quoi? Sa guitare. Écoute, tu me diras après ce que t'en penses. Quand même, hein? Quand même, papa. Elle a 8 ans. Yeah. À 8 ans, la fille, elle shred. Regarde ça. Vous pouvez aller voir les vidéoclips de Zoé et son mini-band sur facebook.com/the mini-band et vraiment, ça shred comme ça shred, ça. C'est bravo. Shrinkredible. Shrinkredible. Genre. Ouais. Ben, c'est après ça pour Scenix. On va se quitter avec du chip-tune un peu. Pourquoi pas? Avec une pièce de QB. Et on écoute l'extrait Do. Et ça commence là, pendant qu'on arrête le shredding puis qu'on part du chip-tune. C'est pas le même genre de musique. Ça, là, est calme pour commencer. C'est bien ça. Ça ne stressera pas, peut-être à la fin. Peut-être un peu. Dans les collègues CNX, ça assemble à jouer. Mercredi. Bulletin geek de ce mercredi 25 janvier 2012. C'est des nouvelles depuis hier matin, bien évidemment. On commence avec le fondateur de WikiLeaks qui va animer une émission de télévision. Oh! Oui, Julian Assange va interviewer des personnalités politiques importantes, des penseurs et des révolutionnaires dans une nouvelle série de 10 émissions prévues pour la mi-mars 2012. On sait bientôt. C'est ce que nous apprend un communiqué de presse publié sur le site de WikiLeaks lundi soir. Assange et ses invités discuteront du monde de demain dans un contexte décrit comme un moment charnière où surgit le besoin de repenser radicalement le monde autour de nous. On fait mention des révolutions arabes, de la détérioration des institutions et idéologies occidentales et du pouvoir menacé d'Internet. Aucun nom n'a encore été avancé, mais on peut s'attendre à y voir des gens controversés ou aux idées marginales. Le talent d'intervieweur de Julian Assange est aussi un grand mystère. On n'a jamais vu faire autre chose. En tout cas, jamais. C'est vrai? On l'a vu en entrevue, mais pas en train de faire des entrevues. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Les ententes de diffusion des 10 épisodes de 30 minutes rejoindraient 600 millions de téléspectateurs, mais aucun diffuseur n'a été précisé. Si on parle de 600 millions de téléspectateurs, on s'attend que ça doit être sur une chaîne assez populaire quand même. Hein? Pas une petite chaîne câblée bidon. Hein? Le communiqué décrit Assange comme un pionnier d'un monde plus juste et victime de répression politique. Un grand jury fédéral américain tente de l'inculper dans le dossier de la divulgation de documents confidentiels sur WikiLeaks depuis plus de 500 jours. Assange est présentement assigné à résidence à Londres. Il attend son procès en appel concernant son extradition en Suède, où des accusations de viol et d'agression sexuelle pèsent contre lui. L'audience devant la Cour suprême britannique est prévue pour le 1er février. Parlons d'Apple un petit peu. Une pièce secrète réservée aux emballages. OK. Aux emballages. Si vous avez déjà acheté un produit à Apple ces dernières années, vous avez sûrement été surpris par l'originalité de l'emballage, nous dit l'article de branchezvous.com. Et bien, c'est maintenant devenu une habitude chez la firme de Cupertino. Quand on achète un nouveau produit de la pomme, on a bien sûr hâte de voir l'appareil lui-même, mais aussi comment il a été emballé. Je pense que les vidéos sur YouTube de déballage de produits à Apple sont parmi les plus populaires. Une nouvelle information circule sur le web voulant qu'Apple travaille très dur sur l'emballage de ses produits. J'en doute pas du tout. Dans son ouvrage Inside Apple, l'auteur Adam Lachinsky lève le voile sur un aspect encore inconnu d'Apple. C'est la présence d'une salle gardée, presque secrète, dédiée à la conception de l'emballage des produits. C'est sûr que, tu sais, à un moment donné, une boîte avec la photo du produit dessus, c'est à peu près à ça que ça ressemble la plupart des produits Apple, mais l'intérieur de l'emballage, comment les choses sont placées, les petits compartiments avec les petites languettes pour tirer dessus, les petits livrets avec les instructions dedans, les petits collants en pomme, quand même, il y a quelque chose derrière ça. Seulement quelques personnes peuvent accéder à cette fameuse pièce. Et là, lors de la conception de l'iPod, des centaines de prototypes de boîtes étaient éparpillés. Apple voulait trouver la boîte qui allait répondre le plus à sa philosophie. Je sais pas si on parle de l'iPod classique, qui est une boîte de carton à peu près de la même grandeur que l'iPod, un petit peu plus grosse, mais beaucoup plus élevée, avec un genre de sous-vide presque pour enlever le couvercle. C'est comme si c'était un genre de... Quand tu l'enlèves, genre, ça fait chic. Il faut croire que le designer responsable des emballages ne chômait pas. Le livre indique en effet qu'il créait et testait une série de flèches de couleurs et de rubans pour un onglet minuscule, tout cela pour faciliter le déballage de l'iPod de sa boîte. Steve Jobs et Jonathan Ive avaient déjà passé beaucoup de temps en ce qui a trait à la conception des emballages de produits. Dans la récente biographie de Steve Jobs par Walter Isaacson, un des livres les plus vendus sur Amazon en passant, le regretté cofondateur d'Apple confiait qu'il adorait déballer quelque chose. L'emballage peut même aller jusqu'à créer une histoire selon lui. Mais c'est pas pour rien que les déboîtages, comme j'appelle, c'est pas ça le terme du tout en français, sûrement qu'ils ont trouvé un autre mot, mais le unboxing sur Internet, c'est très très populaire. Est-ce que t'en regardes des fois? Non, du tout. Même pas pour des produits que t'as envie, mettons un Call of Duty, Modern Warfare. Même pas. Tu vas être surpris toi-même. Ouais. J'avoue, je sais pas. L'effet de surprise, c'est bien aussi. Ça m'a jamais intéressé, on dirait. Ça crée l'attente, je trouve. Moi, j'aime ça. Des fois, à regarder. Je dirais pas que je suis un grand fan. Je dirais même qu'il y en a qui déballent n'importe quoi, puis je trouve ça particulièrement loser. Genre un jeu quelconque, là, je trouve ça vraiment plate. Mais pour un produit comme un gadget, moi, je trouve ça intéressant. Donc, voilà pour cet article sur une pièce secrète chez Apple. Maintenant, je vais mettre de l'huile sur le feu des rumeurs. Là, j'entends ça. Je suis très, très... Comment dire? Est-ce qu'on dit incrédule, crédule, tu sais, quand tu crées pas quelque chose, non? Thomas. Je suis très, très Thomas. Parce que disons qu'il y a des gens qui ont cette façon de penser-là. Je suis jamais vraiment d'accord. Puis des fois, ça provoque des petites chicanes là, au bureau, mettons. Là. OK. Mais c'est que chez Microsoft, en fait, on dit que le créateur du botnet, OK, ça, mettons, ça, allons-y avec un grand mot, mettons comme un genre de virus. C'est pas ça du tout, mais c'est comme quelque chose de pas correct. Okay. Là. Bon, qui s'appelait Kelly Hoss. Il travaillait pour un éditeur de sécurité. Tu sais, la rumeur qui dit que les compagnies d'antivirus créent eux-mêmes leur virus, on entend souvent cette rumeur-là. Exactement. Moi, je suis comme, ouais, c'est ça, voir qu'ils ont le temps à perdre pour ça. Ben, peut-être que c'est vrai. Donc, après avoir aidé à la fermeture du botnet Kelios, Microsoft a poursuivi son enquête et annonce avoir mis la main sur son auteur. Au mois de septembre, Microsoft a annoncé avoir formé une collaboration avec Keras Tech Inc. pour prendre part à l'opération B79 visant à démanteler le botnet Kelios. L'éditeur n'en était pas à son premier coup d'essai et avait précédemment participé aux attaques sur les réseaux d'ordinateurs zombies Rostock et Waledak. Richard Dominguez Boscovich, avocat principal pour le département Microsoft Digital Crimes Unit, ajoutait que pour la première fois, la société avait mis le doigt sur quelques-uns des administrateurs et déposé une plainte à l'encontre de plusieurs individus. Au mois d'octobre, Microsoft annonçait avoir levé les accusations. Les deux parties ont ainsi signé un accord par lequel le responsable de Dot-Free Group SRO devait transférer tous les sous-domaines utilisés pour le déploiement du botnet Kelios ou pour la mise en œuvre de toutes autres activités illégales. L'hébergeur était également tenu de renforcer la sécurité de ses serveurs. Et bien, M. Boscovich affirme désormais que le créateur de Kelios a été arrêté. Il s'agirait d'un Russe dénommé Andrei N. Sabelnikov. Ce dernier aurait codé le malware et ou participé à sa création. Donc, le botnet avait infecté quelques 41 000 machines procédant à 3,8 milliards de courriers indésirables chaque jour. C'est énorme. Des ordinateurs zombies qui envoient des messages à la masse. C'est un petit peu ce que ça veut dire. Oh, pardonnez-moi. Pardonnez-moi beaucoup. Kelios tentait également d'usurper l'identité de ses victimes. Microsoft a précisé que l'homme travaillait en tant qu'ingénieur et responsable de projet au sein d'une société proposant des pare-feux, des antivirus ainsi que des logiciels de sécurité. Donc c'est vraiment comme un gars qui travaillerait, mettons, chez Norton. Ouais. Qui fait ça on the side. C'est super, hein? Ouais, c'est fun. La société, c'est des gentils gens pas du tout hypocrites. Des gentils gens. Fort de l'impact de leur contestation face à leur gouvernement et au projet de la loi SOPA et PIPA, dont on parle énormément et dont on rappellera pas tous les faits, mais c'est ce qui pourrait fermer bien des sites Internet en restreignant la légalité de bien des choses. Donc, les internautes américains peuvent se donner une tape dans le dos. Hein. Au Canada, le projet de loi C-11 est sujet à de nombreuses pressions de l'industrie du divertissement et le débat ne fait que commencer ici, parce qu'aux États-Unis, bon, ça a été mis sur la glace. Le projet fédéral de loi C-11 propose une mise à niveau de la loi sur le droit d'auteur, modernisation que le gouvernement conservateur entend faire depuis déjà quelques années afin de tenir compte de la réalité numérique actuelle, mais que l'instabilité politique à Ottawa a considérablement ralenti. Le C-11 est de retour à l'agenda au cours des prochaines semaines. Il a été découvert ces derniers mois que ce projet de loi est lourdement influencé par les groupes de pression engagés par l'industrie américaine du divertissement, par exemple la RIAA, dont on parle souvent, la Recording Industry Association of America, et la Motion Picture Association of America. Au Canada, c'est la Canadian Recording Industry Association, qui est comme l'équivalent de la RIA, qui a la même mission. Donc, l'industrie musicale demande notamment d'intégrer au projet C-11 une mesure forçant les fournisseurs de services Internet à couper la connexion des internautes pris à télécharger à répétition du contenu protégé. Des mesures identiques à celles que contenait le SOPA sont aussi sur la table, comme ce recours obligeant les fournisseurs d'accès Internet à bloquer l'accès à des sites précis afin de protéger le marché canadien. Donc, on pourrait bloquer, mettons, de Pirate Bay. Okay. On pourrait dire au Canada, on bloque les sites de BitTorrent. Reste aux internautes canadiens à faire valoir leur point de vue. Le cas SOPA a envoyé le même message aux politiciens canadiens et américains. Le public est sensible à l'évolution de ses droits numériques sur Internet. Essayer de les réduire pour répondre à la demande d'un lobby privé risque fort d'attiser son inquiétude et sa colère à l'égard du gouvernement. Donc, c'est un professeur de l'Université d'Ottawa, directeur de la chaire de recherche du Canada en droit d'Internet, Michael Geist, qui a dit ça. Donc, la loi C-11, dont on va peut-être pouvoir entendre parler bientôt. Oui, sûrement. C'est la même chose que SOPA. Ben, j'imagine, en tout cas, si SOPA et PIPA font autant de bruit, C-11 devrait faire la même chose. Parlons de jeux vidéo et de la Xbox 3, appelons-la comme ça, on ne sait pas encore comment elle va s'appeler la prochaine Xbox. Donc, c'est le site IGN qui affirme plusieurs rumeurs. On dit que la console de Microsoft sera 6 fois plus puissante que la Xbox 360. Et tabarouette. Xbox 3 embarquera un processeur graphique basé sur la série AMD 6000, donc c'est quelque chose d'énorme pour les écrans 3D, la HD 1080p, affichage multi-écran, donc sur plusieurs télévisions en même temps. On pourrait se faire un genre de mosaïque d'Xbox 360, j'imagine. Le site prévoit aussi, pas 360, mais tu comprends ce que je veux dire. Le site prévoit aussi une commercialisation de la console en octobre ou novembre 2013, donc l'année prochaine. Ok, moi, je m'étais octobre attendu. 2013. C'est loin. Quand même. Moi, je m'attendais plus à cette année. Ouais, c'est ça, 2012. Les anciennes rumeurs. Donc, pour résumer, les choses qu'on connaît jusqu'à maintenant sur la Xbox 3, son nom de code, bon, Xbox 3, Xbox Loop ou encore Xbox Next, on l'avait déjà dit. Sa puce graphique proche de la Radeon HD 6670, donc 1080p, natif, multi-écran et 3D. Accessoire, on parle d'un pad traditionnel, de la Kinect 2, qui serait une version améliorée avec reconnaissance vocale évoluée, lecture sur les lèvres et détecteur d'émotions. Hey boy, quand même. Détecteur d'émotions, hein. Fonctionnalité, on parle de connexion Internet avec possibilité de jouer à des jeux en cloud gaming, c'est-à-dire en streaming, sans avoir à à acheter ou à télécharger le jeu sur ta console. Ok, ça c'est bien. Oui, tout à fait. Le système d'exploitation serait une version simplifiée de Windows 8 avec les petites tuiles carrées. Là. Ok. Bon, Windows 8, c'est la prochaine version de Windows. Sa première présentation à la presse devrait être à l'E3 2012, donc on devrait la présenter à l'E3 2012 au mois de juin. Pour les jeux, il y a plusieurs développements qui ont déjà commencé sur des versions prototypes, mais on n'a pas encore de titre. On dit que les kits de développement en version finale devraient être distribués au mois d'août 2012. Date de sortie, on l'a dit, fin 2013, et son prix est pour l'instant inconnu. Mais 6 fois plus puissant. Ouais. Quand même. Ça vaut la peine d'avoir attendu aussi longtemps. 6 fois plus puissante. Là. On fait un petit saut dans le présent. Là. Maintenant, parlons de quelques trucs qui sont passés sur Internet. Je vous ai gardé deux petites affaires. Là. Pour commencer, une promotion sur Twitter de la part de McDonald's qui a été hijackée par des clients qui ne sont pas très, très heureux. Donc, McDonald's a créé un hashtag, un mot-clé là, qu'on retrouve sur Twitter, un dièse quelque chose. C'était dièse McD Stories. Donc, c'est un petit mot que tu peux ajouter. Ça facilite la transmission et la discussion sur Twitter. Et bien, évidemment, McDonald's pensait que ça allait être utilisé pour dire « Hey, je viens d'aller m'acheter un Big Mac, je suis heureux. » Mais non, évidemment, les gens postent des commentaires comme pourquoi pas... une femme est accusée d'avoir offert des faveurs sexuelles dans au service à l'auto en échange de mecs croquettes. Ah, oh, ouais. Ouais, ben, ils ont posté le titre de cet article-là avec le lien et ils l'ont tagué McD Stories. Donc, il y a un paquet de gens qui vont poster des trucs vraiment négatifs sur McDonald's qui se revirent vraiment contre la compagnie. Mais c'est ça, le social. Ouais. Tu peux pas contrôler l'opinion des gens. Non, tout à fait. T'as raison. T'sais, moi, je comprends pas comment ça qu'ils ont pas vu ça venir. Ouais. Je pense que McDonald's est une des compagnies qui a le plus d'ennemis, tu sais, au monde, genre. Mm. C'est une des compagnies qui est détestée par bien des gens pour leur façon de faire, en tout cas. Mais bref, ça servirait contre eux autres, et c'est ça. C'est le social, c'est le Twitter. Et finalement, 7 films qui ont été recastés, si on veut, avec des chats. Si les chats étaient maîtres du monde du cinéma, via BuzzFeed.com, donc on parle, mettons, du film Black Swan, à la place, c'est Black Cat, avec Black un Cat. Chat maquillé avec du gros maquillage noir. Ou encore, pourquoi pas, The Little Mermaid, avec un chat à la place de la petite sirène. T'sais, donc, c'est vraiment des posters de films refaits. À place d'être Goodfellas, c'est les Good Felines. C'est le parrain, des affaires comme ça. Twilight, New Meow au lieu de New Moon. Ah, c'est joli. Réservoir 4, wow. Évidemment. Tu peux pas passer à côté de Réservoir 4 ou de Réservoir Dogs. J'adore ça. Les liens sont sur assemblagerequis.com et on va se terminer ça avec un petit peu de chiptune, comme d'habitude. On va entendre une pièce de Gravity Blast. Pourquoi pas? Avec l'extrait... en fait, c'est une pièce de 12 Insomnia, l'artiste, avec la pièce Gravity Blast. Voilà, c'est à CNX dans Assemblage Requis sur C'est Fou. 80 FM. Très, très forte, celle-là. Eh hey boy. Ça bouge. Eh hey boy. Bon matin. Dash.com. Voilà qui